بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhallin. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent.